Depuis que l'on sait que les informations du cerveau se transmettent de neurone à neurone via des impulsions électriques, que l'électricité transmet donc de l'information, il n'y a qu'un pas à franchir pour que ces impulsions puissent communiquer dans un sens ou dans l'autre avec un appareil qui pourrait convertir des impulsions électriques en signal informatique, en l'occurrence un ordinateur. Dont acte, il est aujourd'hui possible de piloter un drone ou un petit appareil moteur par la seule pensée, de même que les ordinateurs assistés de puissants algorithmes commencent à décrypter nos pensées. Mais jusqu'où notre cerveau pourra-t-il communiquer avec la machine et la machine lire dans notre cerveau ? L'ordinateur télépathe, oui, mais c'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de la recherche sur l'ampleur de nos capacités à communiquer par ondes cérébrales avec des machines, nous avons le plaisir de recevoir François Vialade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, responsable de l'équipe CNRS Interface Cerveau-Machine au laboratoire plasticité du cerveau. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Nord à Lille avec François Cabestin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Lille, chef d'équipe CNRS également dans l'équipe interface cerveau-ordinateur du laboratoire Cristal. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en replay via franceculture.fr, en podcast via votre application préférée et comme toujours en complément sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors l'idée, je le disais à l'instant, de connecter un cerveau à un ordinateur ne date pas d'hier. Écoutez, cette archive, nous sommes en 1967, c'est un extrait d'une conférence de Louis Armand sur la cybernétique. Maintenant que nous allons relayer certaines propriétés du cerveau, j'insiste bien, certaines propriétés du cerveau, par les ordinateurs, et que les ordinateurs sont dès à présent, par rapport à notre cerveau, dans la proportion de la plus puissante de nos machines par rapport à nos muscles, nous avons la technique acheminer dans une voie qui est très curieusement très proche de celle de la nature. Autrement dit, ces cerveaux artificiels fonctionnent d'une façon assez voisine de notre cerveau, et ça, on ne l'a absolument pas cherché, parce que ce qu'on sait du cerveau, on l'a découvert après. Et on l'a découvert parce que, justement, l'électronique a permis d'analyser le cerveau. Mais c'est tout à fait par hasard qu'on est arrivé au même processus. Ce processus, vous le connaissez. Le cerveau est constitué, comme les ordinateurs, par un ensemble de circuits qui savent répondre oui ou non. Et c'est pour ça que tout est binaire. On ne sait répondre, on n'a plus de questions. Et le mécanisme est le même, je le répète, dans le cerveau d'un homme que dans un ordinateur. Le mécanisme est le même dans le cerveau d'un homme que d'un ordinateur. C'est ce que dit Louis Armand, qui est ingénieur en 1967. Qu'est-ce que vous en pensez de cet archive, François Vialade ? Je vais modérer un petit peu les propos de ce qu'on vient d'entendre, vous vous y attendiez. Le même, c'est, on va dire que c'est un modèle, et effectivement c'est un modèle qu'on va retrouver dans tout ce qui est le domaine de l'apprentissage statistique, où on va essayer de modéliser le fonctionnement de groupes de neurones, mais qui sont en fait des neurones formels, qui sont beaucoup, beaucoup plus simples que ce qu'on utilise dans notre cerveau biologique. Les neurones ne répondent pas simplement oui ou non lorsqu'ils sont stimulés. Ils vont présenter des signaux beaucoup plus complexes. Et l'organisation du cerveau sur des centaines de milliards de neurones va être la combinaison de ces signaux très complexes. Et c'est un petit peu comme si on comparait la complexité d'une souris avec celle d'un éléphant. Effectivement, dans une certaine mesure, ça fonctionne de la même manière, mais c'est quand même très différent. François Cabestin, sur cette archive. Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François Vialade. L'analogie est intéressante. En fait, si on voulait comparer le fonctionnement du cerveau à un ordinateur, et surtout ce qu'on en sait, c'était Denis Lebihan qui avait indiqué ça dans une de ses présentations. Il est à l'Académie des sciences. Et il disait que le cerveau, on connaît actuellement relativement bien les composants, le câblage, Mais en pratique, on n'a aucune idée ou très peu d'idées du principe de fonctionnement et des informations qui sont échangées entre ces éléments au travers des canaux. Je suis peut-être un petit peu à l'opposé de ce qui était dit. On connaît tout. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on connaît vraiment très peu. Très peu sur le fonctionnement en tant que tel. On a une image de ce fonctionnement. On est capable de prendre des mesures, si tant est qu'il y ait des éléments précis à mesurer. Mais concernant le fonctionnement en tant que tel, je pense qu'on est encore très très loin de le comprendre et de l'interpréter. Alors c'est ce qui va être le fil conducteur de notre conversation au cours de cette heure. Peut-être un petit mot tout de même d'introduction. C'est vrai que d'une part on voit de plus en plus fleurir sur internet des petites vidéos avec des systèmes très simples qui permettent de contrôler, je le disais dans l'introduction, des drones ou des petites machines, des petites voitures, juste vraiment par une interface, par la pensée, c'est-à-dire vraiment sans aucune forme de télécommande autre qu'en général un casque électroencéphalogramme, de la même manière qu'on voit aussi beaucoup de publications d'avancées sur des intelligences artificielles et des algorithmes qui arrivent de mieux en mieux et de façon de plus en plus précise à décrypter, à donner forme à un certain nombre de pensées, d'images, de mots qui sont sollicités chez un témoin. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train, qu'on est à l'aube, à l'orée tout de même d'une nouvelle ère de l'interfaçage cerveau-machine où on réduit tous les moyens qui sont aujourd'hui ceux que l'on a, une souris, un joystick, un volant pour communiquer avec les machines, François Vialat? Alors, à l'aube, je dirais que c'est une question d'échelle. En tout cas, ce sera très très tôt à l'aube. Voilà. Ce sera vraisemblablement pas la semaine prochaine. Alors, il y a eu un certain nombre de bouleversements au niveau scientifique qui font qu'effectivement, on est passé d'une période il y a quelques décennies où c'était impossible à une période où cela devient possible, mais possible avec peu de précision et beaucoup de lenteur. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les interfaces qui existent peuvent détecter un petit nombre de commandes et il leur faut quelques secondes pour détecter une commande. Donc on est encore très très loin d'arriver à lire dans les pensées. Maintenant, effectivement, dans le futur, les choses peuvent évoluer. Et puis, il faut distinguer les interfaces qui sont non-invasives, avec un casque électroencéphalogramme, de ce qu'on peut réaliser en implantant des systèmes à l'intérieur du cerveau, bien évidemment. On va faire le distinguo dans quelques secondes. Justement, sur ce continent qui est en train de se découvrir ou de s'ouvrir et qu'on ne ferait qu'aborder à l'heure actuelle, François Cavestin. Oui, donc effectivement, les progrès sont très impressionnants dans certains domaines. Maintenant, en termes de mesure de l'activité cérébrale, on a fait beaucoup de progrès, y compris dans les capacités de traitement des machines. Mais ceci dit, on est encore très très loin d'être capable d'interpréter ce qu'est ne serait-ce qu'une pensée. Voilà. Une pensée, c'est une activité de l'esprit, c'est pas une activité du cerveau. L'esprit lui-même étant relativement difficile à définir, est-ce que c'est une faculté intellectuelle? Est-ce que c'est une combinaison de facultés? Donc en pratique, la terminologie est importante et donc quand on dit qu'on fait des progrès, on fait des progrès sur l'imagerie fonctionnelle du cerveau, sur la capacité qu'on a à interpréter l'activité ou l'inactivité de groupes de neurones, mais on est encore très très loin de pouvoir parler de pensée ou d'interprétation d'une pensée ou de mise en image d'une pensée. En tout cas, c'est mon avis personnel. François Vialat, donc on va exclure ce champ-là tout de suite. Pour ça, comme ça, c'est fait. Effectivement, on va parler d'interprétation des signaux cérébraux. Pour le moment, le mot de pensée est un mot beaucoup trop polysémique et beaucoup trop important par rapport à ce dont il va être question au cours de cette heure. Oui, effectivement, ce qu'on essaye de mesurer, ce ne sont pas des pensées, ce sont des représentations mentales par rapport à des traitements sur des stimuli internes ou externes. On est sur quelque chose de beaucoup plus bas niveau dans ce qu'on va extraire. Par exemple, on peut, avec une interface cerveau-machine, détecter le fait qu'une personne imagine bouger son bras droit ou son bras gauche. Mais on ne sera pas capable d'imaginer si la personne pense à sa tante ou à son frère, parce qu'on n'a pas ce degré de précision. Donc on extrait des commandes qui sont relativement grossières et on s'appuie sur des astuces pour arriver à détecter un changement dans le cerveau. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons de cette interprétation des signaux cérébraux par la machine, dans un sens ou dans l'autre, que l'on souhaite communiquer avec une machine ou que la machine souhaite interpréter précisément ces stimuli cérébraux que vient d'évoquer François Vialat, avec qui nous discutons tout au long de cette heure, ainsi qu'avec François Cabestin qui est avec nous en duplex depuis Lille. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? De quoi parle-t-on quand on parle d'interprétation des signaux cérébraux? Quel type de signaux on cherche à comprendre, à interpréter et à transcrire, à traduire en langage informatique, François Vialat? Alors, il y a plusieurs types de signaux qui peuvent être interprétés. C'est vrai que quand on parle d'interface cerveau-machine au niveau du grand public, la plupart des gens pensent plutôt à l'électroencéphalogramme, parce que c'est une méthode d'enregistrement qui est non-invasive, qui est relativement peu coûteuse et qui peut donc passer dans le grand public. D'ailleurs, il existe déjà des casques électroencéphalographiques grand public qui peuvent s'acheter pour quelques centaines d'euros. Mais il existe beaucoup d'autres technologies pour enregistrer les signaux du cerveau. On peut par exemple aller au plus gros directement avec l'IRM fonctionnel, où on va utiliser de très gros électroaimants et aller capter l'activité cérébrale en regardant la consommation d'oxygène dans le sang. Là, à ce moment-là, on a un appareil qui fait la taille d'une pièce et qui fait énormément de bruit et qui n'est pas du tout transportable. Mais il existe des interfaces cerveau-machine basées sur l'IRM fonctionnel. Et puis au milieu, on a beaucoup d'autres types de signaux. On va beaucoup avoir des signaux basés sur l'activité électrique du cerveau, mais le cerveau est électrochimique. Donc il y a aussi des échanges chimiques qu'on peut arriver à tracer et à enregistrer, à décoder. Et puis on peut aussi aller décoder cette activité cérébrale en utilisant même des informations lumineuses, avec par exemple des techniques de lumière proche infrarouge qu'on va faire passer au travers du crâne et dont l'angle de diffraction en sortie sera indicatrice de la consommation d'oxygène dans le sang. Ou bien plus récemment avec des signaux échographiques qui sont expérimentés à l'heure actuelle. Chacune de ces techniques permet d'avoir des informations évidemment distinctes, avec un niveau de précision et de fiabilité qui est lui aussi variable. Il y a en général, on parle souvent, François Cabestin, d'un ratio précision-invasivité. Oui. En fait, l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau dépend du point de vue auquel on se place. Si on se place effectivement en non-invasif, c'est-à-dire en utilisant des techniques qui captent les champs électriques ou magnétiques qui sortent du crâne, on a des résolutions à la fois spatiales et en termes de localisation des sources qui sont très faibles, de l'ordre du 2 ou 3 cm en termes de localisation. Et en termes de précision de mesure, on a un rapport signal sur bruit, c'est-à-dire entre la partie intéressante de ce qui est mesuré et la partie qui correspond à du bruit de fond, qui est très très faible. Plus on va se rapprocher des sources cérébrales, c'est-à-dire éventuellement grâce à une chirurgie, en rentrant à l'intérieur de la boîte crânienne, en se rapprochant des sources neuronales, plus la résolution va être améliorée. La résolution en termes spatiales, on va pouvoir distinguer des groupes de neurones, chose qu'on ne sait pas faire en surface. Et en mettant des électrodes directement dans la matière cérébrale, dans la matière grise, on peut éventuellement arriver à enregistrer l'activité de neurones individuels. Donc la précision est directement liée, tout au moins à l'heure actuelle, au niveau d'invasivité de l'interface. Plus on est proche des neurones, plus la précision sur la mesure sera importante. Pourquoi est-ce qu'il est aussi dur, pourquoi est-ce qu'il est aussi complexe aujourd'hui de lire et de traduire cette activité cérébrale par rapport justement au fonctionnement de notre cerveau, de ce qu'on en connaît, de ce que nous en disent aujourd'hui les neurosciences, François Vialat? Alors, c'est une question qui est très large. Je vais essayer de cadrer. Il y a deux éléments différents qui font qu'il est difficile d'interpréter le signal. Il y a d'une part la qualité du signal en lui-même, qui vient des limites technologiques. Par exemple, comme le disait très bien François Cabestin, on a différents niveaux et quand on s'éloigne du neurone, on va avoir quelque chose qui est plus complexe. Si je place une électrode électroencéphalographique à la surface du scalp, je vais enregistrer l'activité de centaines de milliers de neurones qui vont diffuser leur activité électrique depuis des zones proches et des zones plus lointaines, qui va se mêler en plus à ce qu'on va appeler des artefacts. À la surface du scalp, vous avez des muscles. Les muscles ont une activité électrique qui est de l'ordre du millivolt, alors que celle des neurones est de l'ordre du microvolt. Donc l'information est noyée dans ce bruit. Donc ça, c'est la première limite, la limite en termes de technologie, qui fait qu'on a un signal très bruité. C'est le rapport signal sur bruit. Et puis, on va avoir une deuxième limite qui est de savoir ce qu'on enregistre. Et là, cette limite est du point de vue des neurosciences cognitives, des neurosciences théoriques, et des limites de ce que l'on sait sur le fonctionnement du cerveau. Et de ce côté-là, nos outils de mesure étant relativement récents, les théories qui en découlent sont eux aussi récents. Donc il y a beaucoup de limites à ce qu'on sait. En fait, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait, pour dire les choses assez simplement. On commence à connaître un petit peu des éléments sur l'organisation du cerveau, sur les fonctions des différentes aires cérébrales, etc. Mais comme le cerveau fonctionne en réseau, en échange d'informations depuis ces aires, et comme chaque cerveau est unique, c'est très difficile de faire des inférences sur le signal qu'on enregistre. Oui, on a l'impression parfois, François Cabestin, de l'extérieur, que finalement, et on parle beaucoup de neurosciences ici à ce micro, que le cerveau aujourd'hui est extrêmement bien cartographié, qu'on sait qu'à telle zone correspond tel type d'impulsion, quel type de signal, tel type de neurotransmetteur. En fait, il y a un principe dans le cerveau qu'il faut peut-être rappeler, c'est celui de la ségrégation fonctionnelle et de l'intégration fonctionnelle, qui fait que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'une zone neuronale ne correspond pas à un signal précis, clair, systématique. Oui, effectivement, on a mis en évidence beaucoup de corrélations, c'est-à-dire qu'on peut trouver une activité conjointe entre une zone du cerveau et une activité de l'individu à un instant donné. Donc cette corrélation, elle est dans plein d'expériences faciles à mettre en évidence, enfin facile, entendons-nous. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de trouver les causalités. Donc, qu'est-ce qui est la chaîne d'activation et les relations au sein des réseaux neuronaux qui fait que une simple pensée ou une intention que pour l'instant on n'est pas capable de détecter va entraîner toute une cascade d'activités successives de différents réseaux neuronaux pour aboutir à une action mécanique accomplie par un muscle ou à une intention une réflexion particulière accomplie par l'individu. Donc la causalité reste encore à établir dans beaucoup de situations, alors que la corrélation a été mise en évidence depuis très très longtemps. Il y a une équipe lyonnaise, une équipe française du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, le DICOG, qui développe en ce moment un logiciel de traitement justement des signaux en temps réel. Le traitement pour ce qui va nous occuper dans les minutes qui viennent de l'information en temps réel, la traduction en langage informatique, c'est aussi quelque chose qui demande du temps et qui n'est pas tout à fait aussi réactif que on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'on ne traduit pas tout à la seconde près par rapport à l'activité du cerveau. Oui, effectivement, quand on parle de temps réel, le terme temps réel, ça ne signifie pas instantané, ça signifie dans un temps limité. Donc par exemple, une application temps réel, ça peut être une application qui va donner une réponse en quelques microsecondes, en quelques millisecondes ou en quelques secondes. Ça dépend de l'application et de comment elle a été conçue. Il y a un certain nombre de calculs ou de transformations qu'on va faire sur les signaux qui ne sont pas instantanés et qui sont très difficiles à accélérer. Donc ça peut être une contrainte. Puis vous parliez d'une équipe à Lyon qui travaille. Est-ce que vous faites référence aux travaux de Jean-Philippe Lachaud ? Je pense que c'est oui. Cela. Donc il s'agit de recherches qui visent à confronter un sujet à son activité cérébrale, qui est décodée, on extrait certaines bandes de fréquences, elles sont présentées au sujet en temps réel, et il essaye d'identifier ce qu'il pense au moment où il le pense dans son activité cérébrale. Donc c'est une approche qu'on va qualifier de neurophénoménologique. On va confronter un sujet à son activité neuronale et il doit la rapporter à sa phénoménologie, à ce qu'il vit. Et cette approche permettrait peut-être justement de casser le problème de la causalité. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, bien évidemment. François Cabestin. Oui, tout à fait. Je pense que l'aspect temps réel est très très important dans le sens que tout est un problème de perception. L'utilisateur à qui on va présenté sous une forme compréhensible, une certaine visualisation de son activité cérébrale, va aussi prendre un certain temps pour comprendre ce qu'on lui montre. Donc en fait, le système informatique ne réagit pas instantanément, le cerveau non plus. Et donc c'est la collaboration entre les deux systèmes adaptatifs qui va rendre les nouvelles expériences qui vont arriver dans un avenir proche très très intéressantes, puisque les deux systèmes vont apprendre simultanément, vont s'observer l'un l'autre, et le temps de réaction devenant de plus en plus court dans un cas comme dans l'autre, on va établir cette boucle fermée qui permet l'interaction. En fait, les interfaces cerveau-ordinateur, en pratique, ont commencé à voir le jour à partir du moment où on a été capable, dans un temps suffisamment court, d'afficher à l'utilisateur une propre image de son activité cérébrale. C'est les boucles de rétroaction, de ce qu'on appelle le neurofeedback, qui est très important, dont on va reparler dans un instant. Quels sont aujourd'hui les signaux que l'on sait interpréter, traduire facilement, que ce soit des signaux moteurs, des signaux plus abstraits? Est-ce qu'il y a un certain type de signaux cérébraux qui sont plus faciles à comprendre ou à traduire en informatique que d'autres, François Violette? Il y a effectivement un certain nombre d'astuces qu'on a trouvées pour extraire des commandes depuis l'activité cérébrale de sujet. Par exemple, les signaux d'imagination motrice. Quand on demande à un sujet d'imaginer qu'il bouge son bras droit ou son bras gauche, cela va activer les aires sensorimotrices un petit peu de la même manière que lorsqu'il fait effectivement le mouvement, mais avec une amplitude plus faible. Et en détectant la localisation spatiale de l'activité, c'est-à-dire à quel endroit l'activité a lieu selon l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche, on peut en déduire le geste que la personne imagine et donc en déduire une commande, par exemple pour piloter un fauteuil roulant. On peut aussi détecter des réponses à des stimuli externes. Donc par exemple, si on présente des stimuli clignotants à des sujets et qu'ils se concentrent sur l'un de ces stimuli, on va chercher dans la réponse cérébrale au niveau des aires visuelles, qui se trouvent à l'arrière de la tête, des réponses liées au stimulus. Et on va pouvoir en déduire sur quel stimulus la personne avait placé son attention. On peut faire la même chose avec des stimuli auditifs, où la personne va se concentrer sur un stimulus se présentant à droite ou à gauche, ou alors au sein d'un groupe de stimuli présentés simultanément, une petite partie, une bande de fréquence particulière. Et on arrive à détecter certaines tâches cognitives par rapport à du repos. Par exemple, on peut détecter le fait qu'une personne est en train de faire un effort cognitif très lourd de calcul mental par rapport au fait que la personne est relaxée. Alors par contre, on ne le détecte pas très bien, on ne le détecte pas très vite. François Cabestin. Oui, une des avancées aussi majeures qu'il y a eu depuis quelques années, c'est la capacité de localiser les sources d'activité cérébrale à partir des informations mesurées par les capteurs. Donc c'est des outils mathématiques qui ont été appliqués justement en temps réel sur les signaux enregistrés par un ensemble de capteurs afin de déterminer non plus la mesure ponctuelle qui a été enregistrée par un électroencéphalogramme ou par un électromagnétogramme, mais directement par les sources cérébrales après reconstruction et après décomposition par cette transformation mathématique. Donc ça maintenant on sait le faire en temps réel à une cadence suffisamment élevée pour établir ces retours d'informations sensorielles ou visuelles. Allez-y, pardon. Excusez-moi. Donc effectivement, les différents maillons de la chaîne, à la fois au niveau de l'acquisition des signaux, à la fois au niveau du traitement, du pré-traitement, de l'interprétation. Alors l'interprétation au sens mathématique, c'est-à-dire retrouver des variations de fréquence, des variations d'amplitude, des variations de niveau d'une grandeur mesurée ou d'une source électrique reconstituée, ça a permis l'établissement de ces boucles de rétroaction. C'est vraiment important. Il faut que nos auditeurs comprennent bien que ces boucles de rétroaction dès qu'on essaye d'entraîner quelqu'un à communiquer avec une machine, que ce soit dans des cas de handicap physique pour accompagner justement du mouvement ou essayer de faire bouger des prothèses ou que ce soit dans n'importe quel type, on est vraiment obligé de configurer en quelque sorte son cerveau à communiquer avec la machine. François Violette. Oui, effectivement, si je prends l'exemple de recherche qui était menée dans mon ancien laboratoire au Japon, quand on voulait entraîner un utilisateur à utiliser une interface pour piloter un fauteuil roulant, on n'allait pas mettre directement l'utilisateur sur le fauteuil roulant. Il allait d'abord avoir une phase d'entraînement où on présentait à l'utilisateur un signal de feedback lui indiquant comment l'ordinateur décodait son activité cérébrale et l'utilisateur allait s'entraîner à interagir avec cet ordinateur pendant plusieurs jours, et une fois qu'il avait trouvé le truc, entre guillemets, et qu'il savait utiliser l'interface, là on allait le mettre sur le fauteuil roulant et il allait commencer à essayer de le piloter. Alors c'est tant mieux parce que nous avons un cobaye ici en studio. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je précise que vous êtes dans un champ opératoire avec la boîte crânienne ouverte, vous avez crottes plantées à l'intérieur. Non, pas du tout, plus sérieusement, vous êtes justement, vous avez fait l'expérience de ces boucles de rétroaction, de feedback pour aller piloter un objet à la seule force de votre cerveau très puissant. Oui, et j'ai vécu une expérience un peu digne de science-fiction. J'ai rencontré Natalia Kosmina qui est docteure en informatique et actuellement en post-doctorat au MIT à Boston. Elle a mis au point un casque qui permet rien moins que de contrôler un objet avec la pensée. Ce casque est muni d'électrodes, il enregistre une certaine activité cérébrale liée à la concentration sur un objet et l'encode grâce à une interface développée sur ordinateur. Une fois ces signaux électriques retranscrits, on peut transmettre le signal à un objet pour qu'il se déplace sans qu'on ait à le toucher par la simple force de la pensée ou on l'appellera comme on voudra. Natalia Kosmina m'a donc fait suivre un entraînement express pour que je redevienne un Jedi, en fait en herbe, et je dois bien le dire, je suis encore très troublé par cette expérience qui m'a à la fois amusé et à la réflexion m'a aussi fait un tout petit peu, mais juste un tout petit peu peur. De quoi on a besoin pour contrôler un objet par la pensée? Qu'est-ce que vous avez mis au point pour contrôler un objet avec votre pensée? Donc il nous faut deux choses sûrement. Surtout on a besoin d'un casque pour capter votre activité électrique. C'est ce qu'on utilise justement pour avoir accès au signal électrique, au signal qui provient de votre cerveau. Mais aussi on a besoin de bons algorithmes de traitement des signaux pour justement pouvoir nettoyer vos signaux du bruit que pourrait être créé, mais aussi pour bien filtrer et classifier, parce qu'on ne peut pas juste détecter ce que vous imaginez par la magie. Il faut bien sûr entraîner le système. Alors, quelle partie du cerveau est mise sur écoute justement par le casque que vous avez mis au point, et pourquoi c'est cette partie-là justement qu'on écoute avec le cerveau? Au fait, je travaille avec des casques, j'ai mon casque à moi, mais aussi j'ai des autres casques que j'utilise, où les électrodes sont équidistantes. Ça signifie qu'on pourrait prendre et utiliser des applications diverses et variées. Ce que ça signifie, c'est par exemple, disons, vous voulez contrôler un drone ou un autre objet, un robot, en imaginant des mouvements des mains. C'est tout à fait possible. On va utiliser des signaux qui proviennent de votre cortex motrice. Cortex motrice, il est justement au-dessus du partie frontale, juste au-dessus. Et on n'a a priori pas du tout besoin de mettre des électrodes dans les autres endroits. Mais quand on a un casque où il y a des électrodes qui sont équidistants un peu partout sur la tête, mais certains casques ont des électrodes un peu partout en fait. Et là, ces casques-là, ils sont en fait multifonctionnels, parce que disons qu'au lieu d'imaginer des moments, je pourrais imaginer des objets. Et là, c'est cortex visuel qui est tout derrière en fait. Et là, si on a des électrodes dans cet endroit, on peut parfaitement utiliser ce casque. Mais par contre, si on n'a pas de casque avec des électrodes dans cet endroit, on ne peut pas dire qu'on détecte l'imagerie visuelle ou l'imagerie motrice, par exemple. Alors, ça a l'air simple un peu dit comme ça, mais est-ce que ça nécessite un entraînement particulier? Oui, bien sûr. Je ne peux pas vous mettre un casque sur la tête ou dire « Ah tiens, on imagine telle ou telle chose ». Ça, ce n'est pas possible, ni avec mon système, ni d'ailleurs n'importe quel autre système dans le monde. Il faut entraîner la personne et le système à justement pouvoir utiliser ce système. C'est-à-dire, il faut expliquer très bien à une personne qu'est-ce qu'il faut imaginer, pourquoi il faut imaginer ceci et pas cela, parce que les gens, habituellement, quand ils n'ont jamais travaillé, n'ont jamais pu essayer ce type de système, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'être vraiment resté concentré et focalisé sur une seule chose à la fois. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais aussi, de l'autre côté, il faut quand même avoir des algorithmes puissants pour qu'on puisse vraiment détecter cette différence, parce qu'ils sont quand même assez petites. Hein. C'est un signal électrique et des milliards de neurones. Hein. C'est pas précis, c'est très très moyen. Hein. Donc il faut bien sûr avoir aussi de bons outils en main pour pouvoir aussi après faire la classification. Comment, à partir de l'émission du signal par mon cerveau, on va enregistrer ma pensée, et cette pensée va être nettoyée, comme vous le disiez, du bruit par l'ordinateur? C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre un casque sur la tête d'abord, et après on va vous demander d'imaginer quelque chose. Et on va dire, voilà, donc imaginez ceci, imaginez cela. Le système va répéter des commandes et vous allez à chaque fois, il faut que vous faisiez ce que le système vous dit. On va enregistrer justement, c'est un électroencéphalogramme comme à l'hôpital, exactement la même chose, pas de différence du tout. On enregistre ça en fichier et après, on va donner soit en temps réel, soit hors ligne un système, tous ces signaux qu'on a enregistrés, le système va essayer justement de voir quand il y a quelque chose qu'on appelle du bruit. C'est par exemple quand vous bougez, quand vous parlez, ça crée des pics d'activité qui sont très très, on peut les distinguer très bien, même visuellement, même quand vous regardez avec l'œil nu comme ça. Soit après on va classifier, on va dire un système avec l'aide de l'algorithme, trouve une différence, est-ce que cette différence est significative entre une telle commande et une telle commande. Alors, une fois que l'information a été encodée par l'ordinateur, comment elle est transmise au drone ou en tout cas à l'objet en question? Donc, une fois l'information encodée, transférée, classifiée et l'ordinateur, l'algorithme nous donne la précision, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va associer une pensée, quand vous imaginez un moment de la main gauche, un moment du drone pour aller à gauche, un moment de la main droite pour un drone pour aller à droite. Et après, en utilisant le, bien sûr, SDK et API du drone, et aussi le Wi-Fi ou le Bluetooth, ça dépend du robot, bien sûr. On va juste... Moi, j'utilise que des robots avec les open source, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on peut les programmer. Et après, on va associer justement les commandes. On va dire, tiens, quand tu reçois une telle commande, le robot, il faut que tu bouges à droite, il faut que tu bouges à gauche. Je propose d'essayer sur vous, du coup, parce que comme ça, justement, je peux expliquer à quoi ça ressemble et vous allez après pouvoir dire comment, qu'est-ce que vous avez ressenti. Bon, alors là, vous avez sorti justement une boule. Alors, ce casque, il est composé de plusieurs électrodes. 14 électrodes. On va le connecter. Voilà, le casque se connecte par le Bluetooth. Une boule aussi sera connectée par le Bluetooth. Et maintenant, on va lancer l'application. Et donc, je vous propose de vous asseoir et on va mettre ce casque sur la tête d'Antoine. Donc là, je suis en train de me faire équiper comme un véritable cobaye. Et maintenant, on va passer à la phase d'entraînement. Pour ça, il ne faut pas que vous bougiez ni que vous parliez. Ça dure 30 secondes littéralement parce qu'on est dans le cadre de la démo, on n'est pas dans le cadre de la vraie vie, du vrai système. Vous allez voir deux images. Une image d'un carton rouge et une image d'un ball de foot. Quand je vous dis carton rouge, il faut que vous imaginiez un carton rouge. Quand je vous dis ball de foot, vous imaginez un ball de foot. Et une seule chose, vu que ça dure littéralement 30 secondes en tout, il faut que vous restiez très concentré. Car si vous n'êtes pas concentré, ça va potentiellement pas fonctionner et je peux rien pour vous. Alors, bougez pas, parlez pas et c'est parti. Je vous dis, préparez-vous. Imaginez un carton rouge. Imaginez un ball de foot. Et voilà, c'est terminé. On attend que le système arrive à classifier des signaux qu'elle vient d'obtenir. Et maintenant, on va passer à notre robot. On va l'activer. Voilà, là, il est activé. On le met sur la table, comme ça, ce petit robot. Une petite balle de 15 cm de diamètre, à peu près. Donc, j'ai un bouton ici. Il va l'activer les commandes. C'est-à-dire, là pour l'instant, il ne bouge pas. Même si vous imaginez quelque chose, il ne va rien faire. Parce que justement, je n'ai pas activé l'acceptation des commandes du robot. Donc là, je clique sur ce bouton. L'ordinateur est assez éloigné. Donc, ça sera à vous et uniquement à vous. Vous imaginez un ball de foot. Il bouge. Vous imaginez un carton rouge, comme dans le foot. Ça arrête. Bien sûr, si vous voulez, par exemple, faire des mouvements gauche-droite, on aurait dû entraîner ça comme des actions séparées. Donc ici, vous ne pouvez pas contrôler des mouvements. Il va aller juste sur la ligne droite et c'est tout. Mais allez, on essaye. Concentrez-vous. Et c'est maintenant. Il faut que vous arrêtiez. Oui. On essaie encore. Avancez-le, s'il vous plaît. Merci. On essaie encore. Je suis vraiment très impressionné parce que mon cerveau est en train de faire avancer cette balle sans que je ne touche pas la balle. Je promets aux auditeurs que ce que je suis en train de vivre est exceptionnel. Super, vous voulez essayer encore une fois ou c'est bon? On peut réessayer une fois, juste pas. Mais là, par contre, vous venez de parler, donc là, ouais, vous il faut que je me reconcentre. Essayez d'accord. De vous concentrer parce que là, il peut faire n'importe quoi. Donc restez à vous concentrer, concentrez-vous. C'est impressionnant. Alors, quelles applications, justement, on peut imaginer dans le futur, autres que des applications ludiques? Justement, pendant ma thèse, quand j'étais en deuxième ou troisième année de thèse à Grenoble, j'ai développé une application du contrôle d'une maison intelligente où tous les objets ont été connectés, c'est-à-dire une télé, une micro-ondes, des stores, les lumières, et des personnes en fauteuil roulant ont venu pour contrôler cette maison. Donc, il fallait imaginer, par exemple, une ampoule pour allumer la lumière, il fallait imaginer une télé pour allumer la télé, etc. Donc ça, c'est une des applications. Mais bien sûr, il faut, et j'aime bien préciser, on n'est pas que sur le contrôle des objets. On peut aussi faire des applications sur rééducation, par exemple, rééduquer le cerveau à être plus attentif, etc., etc. Donc ce type de système, justement, est en ce moment vraiment utilisé dans pas mal d'études cliniques pour vérifier l'efficacité pour tout ce qui est troubles d'attention, la dépression, etc. Mmh. Voilà, Antoine Beauchamp, notre reporter de l'extrême, qui met son corps en jeu pour tester les dernières innovations technologiques. Et ça donne parfois lieu à des choses un peu plus compliquées que celle-là. Plus sérieusement, une réaction à ce que vous venez d'entendre, François Vialat ? Alors, il y avait un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour illustrer nos propos précédents. Quand on parlait du problème du rapport signal sur bruit, là, on a reparlé du problème entre l'information dans le signal et le bruit qui vient des mouvements, des muscles, de tout ce qui est extérieur. Puis sur le problème de détection, la difficulté sur une interface cerveau-machine, c'est de pouvoir arriver à trouver des marqueurs dans le signal qui permettent de séparer suffisamment des classes. Et si ces marqueurs sont trop proches les uns des autres, le résultat va être aléatoire et donc l'interface va marcher au hasard, ce qui n'est pas très efficace. Et généralement, pour avoir un marqueur fiable, il faut avoir un marqueur qui soit suffisamment caricatural, catégoriel, discriminant. Donc il faut que ce soit quelque chose qui, en termes de fonctionnement cérébral, soit très différent entre les stimuli de type A et les stimuli de type B, si on veut avoir des classes A et B. Donc ça, c'est un problème plutôt du côté des neurosciences cognitives. Et puis, on a l'autre aspect, il faut que le sujet soit capable de le mobiliser et que la machine soit capable de l'enregistrer. François Cabestin. Oui, j'ai adoré la présentation de Natalia. Elle explique son sujet, elle explique son travail de recherche avec un enthousiasme qui est vraiment communicatif. Et c'est vrai que... C'est un aspect très positif dans le sens que ça intéresse le public, ça intéresse les gens. Mais bon, quelque part, il y a un aspect un peu négatif qui semblerait faire croire que c'est facile. Elle dit c'est facile, il suffit de connecter, il suffit de... Et cet aspect facile, c'est vrai que dans des situations particulières comme celle qu'elle a décrite, c'est-à-dire deux tâches mentales très précises réalisées dans un contexte où l'apprentissage se fait juste avant la pratique, c'est facile, entre guillemets. Le problème complexe dont on a parlé depuis le début, c'est que ça doit être reproductible éventuellement d'une personne à une autre, pour une même personne, au cours du temps, quel que soit le niveau de concentration, quelle que soit l'activité musculaire éventuellement qui va rajouter du bruit. Et à partir de ce moment-là, quand on veut augmenter le niveau de fiabilité pour arriver à quelque chose de systématique et de reproductible, le problème devient complexe. Et la simplicité qu'évoquait Natalia, malheureusement, reste un souhait auquel on n'a aucune réponse pour l'instant. Peut-être un mot, Antoine Beauchamp, qui est resté avec nous, parce qu'on entend, et bon, on peut préciser pour les auditeurs que vous avez fait ça, vous étiez en terrasse d'un café, donc dehors, vous avez ça dans le cadre d'un entretien, donc vous n'êtes pas du tout dans des conditions expérimentales classiques de laboratoire où il y a beaucoup moins de stimuli. Comment est-ce que vous définiriez justement ce travail de concentration qui a fait Alors déjà, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de se concentrer sur une seule chose à la fois et de ne pas avoir 1000 pensées qui se battent en duel. Et par ailleurs, je tiens à préciser que j'ai fait bouger la boule, mais que ce n'était pas d'une précision extrême. Mon entraînement était tellement court que finalement, je n'ai pas pu faire des choses particulièrement impressionnantes. Mais quand même, c'est impressionnant de voir une boule qui bouge quand on ne la touche pas et qu'on y pense juste. On pense juste à un mouvement de ballon de foot et à un carton rouge pour l'arrêter. Ça, on est encore à un niveau, effectivement, très requérant pour le participant en termes d'implication, de concentration. C'est-à-dire que quand on entendait effectivement Natalia dire à la fin « Ah mais oui, on peut rentrer dans sa maison, dire allumer la télé, etc. », on n'en est pas du tout à ce niveau de souplesse, de fluidité-là dans l'interprétation par la machine des signaux cérébraux. Effectivement, il y a un certain effort cognitif à fournir pour la personne qui utilise une interface cerveau-machine, en particulier quand on parle d'une interface où la personne veut déclencher une commande volontairement. Parce qu'il existe d'autres interfaces qui sont dites passives, où là on utilise l'interface pour espionner entre guillemets ce qui se passe dans la tête de la personne, alors qu'elle fait autre chose et qu'elle n'est pas concentrée sur l'interface. Un mot peut-être, François Gabestin, parce que c'est ce type d'entraînement de boucle de rétroaction qu'on utilise beaucoup pour les prothèses, notamment dans des situations de handicap avec des membres cybernétiques. Est-ce que c'est plus facile d'interpréter des informations de mouvement, des informations motrices, que ce type d'informations qu'on vient d'entendre, qui sont des informations symboliques? Oui, quelque part, les aires motrices, comme l'a indiqué Natalia, sont correctement positionnées chez les individus. Elles ne dépendent pas de l'âge ou de enfin, c'est quelque chose qui est anatomique. Donc, quelque part, on sait à quel endroit aller chercher les signaux. On connaît depuis très longtemps la façon de les analyser par des techniques de reconnaissance de fréquences particulières, d'augmentation ou diminution d'une amplitude sur une fréquence très spécifique. Donc, on a déjà des marqueurs physiologiques très, très bien connus qui sont facilement détectables. Ceci dit, comme vous le disiez, la nécessité d'entraînement est cruciale. La personne ne pourra pas, sans réaliser un mouvement, simplement en l'imaginant, être capable d'obtenir une qualité de reconnaissance des signaux parfaite de 100% sans cette phase d'entraînement longue et contraignante. Parce que la concentration va varier, la focalisation de l'attention également, la fatigue peut avoir une importance très très très très forte sur la qualité des signaux qu'on enregistre et donc sur la façon de les interpréter. Donc c'est à force d'entraînement que l'utilisateur sera capable de focaliser ses capacités mentales et cognitives de telle sorte que cette tâche-là soit facilement reconnue parce qu'il a été capable de masquer, de mettre en arrière-plan ce qui n'est pas corrélé avec ce qu'il veut faire. Et à 16h40, avec pas mal de retard dans cette conversation passionnante, c'est l'heure de retrouver, comme tous les mercredis, notre doctorant de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Maurice Leonetti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes en thèse au sein de l'École normale supérieure dans le laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques du département d'études cognitives. Vous travaillez sur l'étude des marqueurs neuronaux de la conscience par le biais d'interfaces cerveau-machine. Bienvenue à la recherche Montre en main. On vous écoute. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais déjà commencer par soulever une question. À quoi vont ressembler les interfaces cerveau-machine dans le futur? À long terme, en tout cas pas à court terme. Alors, à titre personnel, je pense qu'il s'agira d'implantes, hein, qu'on mettra de gré ou de force dans les gens. Bon, je plaisante évidemment. C'est rassurant, ça commence bien. Et qu'en fait, leur rôle, ce sera de transformer des intentions formées par le sujet de façon interne en leur réalisation concrète. Donc je vais donner un exemple, parce que c'était pas très clair. Si par exemple, je prends une personne qui est contrainte de se déplacer sur une chaise roulante, elle va formuler l'intention selon laquelle elle voudrait que sa chaise roulante se déplace vers l'avant, et la machine, enfin plutôt les implantes, va détecter que le sujet a formulé cette intention au niveau de son cortex préfrontal, et du coup va la traduire en une séquence de... disons de commande moteur, commande informatique, exactement. Voilà, ça c'est un peu à quoi le futur pourrait ressembler. Mais en attendant, comme évidemment ça va être très... Enfin, on n'a pas la technologie pour le faire, on n'a pas les implants encore, on passe par une autre méthode, donc on passe par l'électroencéphalographie, qui mesure les signaux du cerveau directement à la surface du crâne. Et donc l'alternative que la recherche a dessinée depuis 30 ans, en fait, elle consiste à faire correspondre de façon un peu arbitraire, certes, une commande parmi un jeu de commandes à une certaine signature dans le signal cérébral, un certain motif, de sorte que, en fait, ça va fonctionner comment? On va mesurer de façon continuelle l'électroencéphalogramme au sein d'une personne, et si à un moment on repère ce motif particulier dans l'EEG, EEG électroencéphalographe, EEG, oui. On va du coup, si on arrive à le trouver grâce à des outils de machine learning, on va du coup dire il faut enclencher cette commande. Alors, pour pouvoir faire ça, en fait, il y a deux familles de possibilités. Il y a deux familles d'interfaces machine au sein de ce que je viens de décrire, sur lesquelles j'ai travaillé. La première, c'est on va donner une béquille à la personne en lui présentant un stimulus extérieur. Donc, je vais donner un exemple sur lequel j'ai travaillé. C'est le cas, en fait, d'un clavier virtuel sur un écran, où, disons, il y a 30 caractères, par exemple. Et en fait, la particularité de ce clavier virtuel, c'est que autour de chaque lettre, on fait apparaître et disparaître des pixels selon une certaine séquence, en fait, qui est propre à chaque caractère. Ce qui fait que si la personne se concentre sur une lettre, comme l'a dit Monsieur Vialat, ça va évoquer dans le signal EEG une certaine signature qui est propre à cette lettre. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter que la personne se concentre sur telle lettre ou sur une autre. Et donc, du coup, on arrive à, par exemple, à des précisions on peut trouver une lettre toutes les deux secondes avec une précision de 95%. Donc c'est pas mal. Mais ça nécessite une béquille. Donc c'est intéressant dans certains cas. Alors du coup la deuxième approche que je développe aussi, c'est une approche où c'est au sujet de former de façon interne, de rendre son signal cérébral selon donc dans le motif dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors l'exemple canonique dans la recherche, c'est, comme l'a dit M. Vialat encore une fois, le cas de l'imagination. Je demande à un sujet d'imaginer de fermer sa main droite, d'imaginer, pas de le faire réellement, ou de fermer sa main gauche. En fait, ça va présenter du coup des signatures dans l'électroencéphalogramme qui sont différentes. Et en fait, le sujet va s'entraîner à réussir à... va s'entraîner à évoquer dans le signal... enfin, voilà. Ce motif. Ce motif, exactement. Moi, ce que j'essaie de faire en particulier, pour terminer, c'est... en fait, je voudrais apprendre au sujet à créer une sorte d'impulsion, d'intention, de sorte que, par exemple, le sujet qui est sur sa chaise roulante, à un moment, il déclenche en fait une sorte d'impulsion dans son signal cérébral qui représente son intention de vouloir faire avancer la chaise roulante. Et du coup, s'il arrive à le faire, donc ça va nécessiter de l'entraînement, s'il arrive à le faire et qu'on le détecte, on va du coup enclencher la mise en mouvement de chaise roulante. Et pour ça, en fait, comme c'est difficile comme tâche, il faut que le sujet s'entraîne grâce à un feedback. Et ce que je propose de faire aussi, c'est que non seulement le sujet va apprendre au fur et à mesure, mais la machine qui va décoder son signal cérébral et qui va du coup déclencher les commandes en fonction de son, en fonction du signal du sujet, il faut qu'elle apprenne en même temps. Mmh. Voilà. Il y a une série d'allers-retours entre le sujet et la machine qui vont co-apprendre en même temps. Voilà. Les fameuses boucles de rétroaction. Merci beaucoup Jean-Maurice Leonetti. Vous restez avec nous pour la fin de ce débat. Une réaction peut-être François Vialat à ces travaux, c'est exactement en plein de ce qu'on décrit tout à l'heure, c'est-à-dire apprendre à la machine à apprendre en même temps que le patient ou que la personne qui va être en contact exactement. Avec cette interface. En fait, on a une situation avec un double apprentissage en temps réel, d'une part de la machine qui doit adapter ses modèles et d'autre part de l'être humain qui doit apprendre à piloter son activité cérébrale. Ce qui pose un problème de fond, puisque bah déjà d'une part du côté de la modélisation c'est complexe de prendre des modèles qui se mettent à jour au fur et à mesure en termes de programmation, de conceptualisation, puis du côté de l'être humain on ne sait pas encore parfaitement bien comment fonctionne cet apprentissage et comment un être humain pourrait prendre le contrôle de son activité cérébrale, autrement dit on ne sait pas comment fonctionne le neurofeedback, ce qui est l'objet de beaucoup de recherches passionnantes et il y a une communauté scientifique très très active sur le neurofeedback en France. François Cabestin à ce propos. Oui, donc j'ai déjà apprécié fortement l'introduction qu'a fait Jean-Maurice sur le futur des interfaces cerveau-ordinateur. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que on passera à un moment ou à un autre, pour quelque raison que ce soit, à des interfaces où le capteur sera implanté. On aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu par la suite, mais je suis d'accord avec lui sur ce point. Donc ensuite, l'aspect... je dirais paradigme de communication, entraînement, ça dépendra aussi du type de signal qu'on enregistre et de la qualité de ces signaux. L'entraînement, le cerveau est tellement plastique, les réseaux neuronaux sont tellement plastiques que par entraînement, on a fait des expériences sur le singe, naturellement, on peut entraîner un singe à encoder une information qui va piloter un système robotisé, à encoder ça sur l'activité d'un neurone unique. Donc on ne parle pas d'entraîner une zone du cerveau ou une activité standard. Là, on rentre vraiment dans le détail de l'apprentissage, aller jusqu'à faire varier l'activité d'un neurone unique grâce à cet apprentissage. Et là, je pense qu'on est encore bien loin de comprendre tous les mécanismes qui permettent au cerveau d'être aussi adaptatif et d'apprendre à s'autoréguler ou à fonctionner pour atteindre un certain objectif et obtenir un certain effet. Le modèle animal est intéressant parce qu'effectivement, on arrive très bien chez des animaux, chez des singes, on y arrive aussi chez des souris. La question finalement assez paradoxale que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la conscience n'est pas un obstacle au neurofeedback d'une certaine manière, François Vialat ? C'est vrai ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour caricaturer, l'évolution qui s'est produite par rapport à la compréhension du neurofeedback, c'est qu'on est passé d'un modèle comportemental de l'apprentissage, qui sont des modèles qu'on valide très très bien sur des animaux, à un modèle cognitif. La différence entre l'être humain et l'animal, ça va être justement toute cette surcouche de capacité à penser, à se projeter dans l'avenir, à établir des planifications. Attention, j'ai pas dit que les animaux n'en avaient pas, hein. C'est juste qu'on a plus ça qu'eux, qui fait que les êtres humains, par exemple, peuvent avoir des motivations intrinsèques à apprendre et sont capables d'apprendre sans avoir de récompenses externes. Ils peuvent avoir des récompenses endogènes, ce qui est un petit peu particulier, c'est pas exactement les mêmes mécanismes. Néanmoins, le modèle animal est très intéressant de façon générale pour comprendre comment fonctionne l'être humain. François Gabestin. Sur le modèle animal, actuellement, ce qui est, enfin, disons, la voie de recherche qui est la plus intéressante, c'est le retour d'informations vers le cerveau. On a beaucoup de difficultés à renvoyer des informations qui sont du même ordre que celles qu'on a mesurées. Vous mesurez une activité électrique par EEG, mais vous renvoyez une information de feedback à l'utilisateur par l'intermédiaire d'une vibration ou même d'une image qui est affichée sur un écran. Donc, on n'utilise pas le même langage, entre guillemets, pour le retour d'informations que celui qu'on a utilisé pour la mesure de l'état mental. Et là, actuellement, le modèle animal est très utile pour tester les nouvelles techniques de stimulation de type opto ou sonogénétique qui vont permettre de renvoyer des informations très précises et très localisées pour établir des boucles entre la machine et le cerveau, mais au niveau local et non pas au niveau global en faisant intervenir la perception standard de l'utilisateur. On avait consacré une émission entière justement à l'optogénétique. On va vous remettre le lien sur le fil Twitter si vous voulez en savoir plus. C'est effectivement des modèles technologiques très très prometteurs pour l'influence et justement la ségrégation d'un très faible nombre de neurones à un système, en tout cas un stimuli lumineux. J'aimerais qu'on se mette aussi à l'autre bout de ces systèmes et de ces interfaces, et avec un flux finalement qui est un flux dans l'autre sens. On a parlé beaucoup ici de ces algorithmes, de ces machines, de ces IA qui arrivent de mieux en mieux à interpréter un certain nombre de signaux cérébraux. C'est-à-dire que je parle d'un certain nombre d'expériences, de reconstitution d'images, de reconstitution de mots, voire au Japon une étude qui montre, qui tente aussi, alors avec des résultats parfois un peu effrayants, comme le disait Antoine Beauchamp tout à l'heure quand on voit les résultats, mais enfin de reconstitution de visage aussi. On arrive tout de même aujourd'hui à produire des algorithmes qui affinent justement cette interprétation des stimuli. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, François Vialat? Alors, par rapport à ces algorithmes, effectivement, tout va dépendre de la qualité du signal. Les expériences de reconstitution dont vous parlez sont obtenues avec des appareils d'IRM fonctionnels, donc les gros appareils qui prennent toute la pièce et que vous n'aurez pas dans votre salon, ou avec des systèmes d'enregistrement implantés. Là, effectivement, par exemple, au Japon, il y a une équipe qui travaille sur le décodage de l'activité du cortex visuel pour essayer de voir, littéralement, de projeter sur un écran ce que la personne voit ou ce qu'elle imagine, avec l'idée dans le futur d'essayer de pouvoir enregistrer les rêves des gens pendant qu'ils rêvent. Le problème, c'est que l'échelle temporelle est de l'ordre de la seconde et que les rêves vont beaucoup plus vite. Mais en tout cas, ils arrivent à décoder des images. Et de la même manière, on a une équipe américaine qui, en implantant un système dans le cerveau, a pu décoder des phonèmes. C'est-à-dire que la personne arrivait à prononcer des sons avec son cerveau sans avoir à les articuler. Mais là, il faut une interface implantée. Alors, pour arriver à avoir cette qualité de décodage, il faut effectivement des informations très propres, très précises, donc des appareils qui permettent de les collecter. Et puis derrière, il faut des modèles. Et on va utiliser des technologies dans ce cas qui sont relativement récentes du point de vue des mathématiques appliquées. Et on va parler d'apprentissage statistique ou d'apprentissage automatique, qui sont des modèles qui dérivent de la version moderne de l'intelligence artificielle, qui sont les modèles connexionnistes, où en fait l'IA s'est inspirée du fonctionnement cérébral, inspirée d'une façon très lointaine, mais s'en est inspirée tout de même en combinant des petites fonctions de bas niveau. François Cabestin, sur cette interprétation, sur les limites de l'interprétation, comme dirait l'autre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François. Les techniques actuelles consistent à entraîner la machine en lui présentant des situations qu'on connaît plus ou moins. Donc, il faut déjà, à la base, avoir un ensemble de signaux qui ont été acquis dans des conditions très précises, en montrant à l'individu, par exemple, quand il s'agit de voir comment on reconnaît un visage ou comment on code les propriétés faciales, on montre des images parfaitement calibré, parfaitement connu d'un ensemble de personnes, et en même temps on enregistre. Donc en fait, on a une sorte de situation idéale en termes d'apprentissage du côté machine, où on sait d'un côté exactement ce qu'on a comme signaux, et de l'autre côté ce qu'on doit trouver comme catégorie ou comme image reconstituée. Dans la pratique, cette phase d'apprentissage, elle sera très très difficile à mettre en œuvre. En contexte laboratoire, avec des enregistrements précis, c'est faisable. Déjà, c'est très compliqué. C'est très récemment uniquement que les chercheurs se sont lancés dans cette aventure. Mais si on essaye de se placer du point de vue de l'utilisation écologique dans le cadre de la vie de tous les jours, cette facilité, cette possibilité qu'on a de contrôler les expériences pour garantir un bon apprentissage par la machine, une reconnaissance d'une activité spécifique, elle sera très difficile à obtenir. On contrôlera beaucoup moins les expériences. Et donc, du coup, cet apprentissage automatique du côté de l'ordinateur, donc de l'intelligence artificielle qui est maintenant à la portée de tous les chercheurs, quelque part, elle sera difficile à maîtriser quand même, malgré tout. Jean-Maurice Leonetti. Il a tout à fait raison. En fait, le principal problème de ces études, elles sont très intéressantes par elles-mêmes évidemment, mais c'est que il faut accumuler des jeux de données pour entraîner un modèle à décoder le signal cérébral. Donc en l'occurrence, dans le cas des visages par exemple, il faut demander à la personne de regarder, je sais pas, une série de 200 voire 300 images. C'est pareil aussi pour la parole. Il faut leur faire écouter des flux de parole pour ensuite faire mapper du coup le signal cérébral d'un côté, cartographier avec les phonèmes, comme vous avez dit. Donc, mais du coup, ça se généralise pas facilement. S'il fallait détecter autre chose, ça marcherait pas du tout. On passe encore par effectivement une grosse phase importante d'apprentissage. Il nous reste quelques minutes, peut-être pour conclure. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui des applications. Alors, les applications, on l'a dit, sur les prothèses, sur la motricité, elles sont relativement évidentes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à portée de main, puisqu'on voit que tout ça est quand même encore très, très haut, à l'étape du défrichage encore, pour dire ça, par un euphémisme. Alors, effectivement, oui. Mais on a deux types, deux grandes catégories d'interfaces, les interfaces invasives, les interfaces non invasives. Pour les interfaces invasives, on peut avoir quelque chose de très précis, mais la grosse difficulté, c'est qu'elles puissent rester en chronique. Pour l'instant, ce qu'on a du mal à faire, c'est une interface de très grande qualité invasive, qui ne soit pas dangereuse pour un individu et qui puisse rester pendant plusieurs années. Ce qui limite leur applicabilité pour le moment. Si on regarde du côté des interfaces non invasives, on peut arriver à détecter des commandes, mais à l'échelle de la seconde, ce qui est lent. Alors si on veut détecter des commandes lentement, ça veut dire qu'on ne va pas remplacer un clavier. Par contre, ça peut être une information supplémentaire. Par exemple, on peut tout à fait envisager d'utiliser ce genre d'interface pour réaliser des jeux vidéo. Il existe d'ailleurs des petits jeux vidéo qui utilisent des interfaces cerveau-machine combinées avec d'autres entrées, d'autres systèmes. Et auquel cas, ça peut être assez ludique. Et le fait que la commande soit détectée en quelques secondes n'est pas un problème puisqu'elle se rajoute à une autre commande détectée rapidement utilisée avec les mains. C'est une commande supplémentaire. Une autre possibilité, au lieu de détecter des commandes que la personne veut exécuter, faire tourner à droite ou à gauche un fauteuil roulant, on peut essayer d'espionner son cerveau et d'utiliser cette technologie d'interface cerveau-machine pour décoder le fonctionnement des fonctions cognitives elles-mêmes, ce qui peut permettre d'une part de les étudier et donc d'essayer de mieux comprendre la cognition en général, donc l'attention, la capacité à garder des choses dans notre mémoire à court terme, ce genre de choses. Et puis si on peut les étudier, on peut aussi essayer d'utiliser ces interfaces pour les entraîner et développer des neurofeedbacks plus précis, plus efficace pour de la rééducation dans de très nombreux troubles. François Cabestin, pour conclure. Oui, bon, par rapport aux applications dont vient de parler François Vialat, je pense que celle qui est peut-être la plus intéressante au niveau de la recherche fondamentale, c'est justement la possibilité que vont offrir les techniques d'interfaçage en boucle fermée pour analyser le fonctionnement du cerveau, si tant est qu'il existe un code neural qui est ce message échangé entre les neurones ou entre les groupes de neurones qui permettent d'avoir ensuite un fonctionnement coordonné d'une activité cérébrale et pourquoi pas d'une pensée, les interfaces en elles-mêmes seront un outil d'analyse excessivement précieux pour les chercheurs. Le fait d'établir des boucles permettra d'envoyer des informations spécifiques, de regarder comment localement le cerveau réagit et justement d'établir une communication au plus bas niveau entre la machine et le cerveau, cette fois-ci à des fins de compréhension du fonctionnement du cerveau et peut-être de la machine également. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci François Vialat, merci François Cabestin, merci Jean-Maurice Leonetti d'être venu nous présenter vos travaux. Merci également à nos camarades de France Bleu Nord, Aline, pour le duplex avec François Cabestin. Et puis un mot pour vous dire que comme tous les mercredis, c'est le jour de retrouver les idées claires sur votre application de podcast favorite, mais également sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info chaque chaque semaine, eh bien, on décrypte, on demande à un scientifique de venir traiter une fausse information, un détournement de l'information. Aujourd'hui, évidemment, cette semaine, compte tenu du décès de Forisson, nous avons demandé à une historienne les racines du négationnisme, qui serait peut-être effectivement la première grande théorie du complot post-Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez voir cette vidéo sur les sites de France Info, de France Culture et sur Facebook et Twitter. Également, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen et les Thiem, Tom Humdenstock, Némi Naguette, Saint-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Alice Seyed à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, nous tenterons de faire le portrait de l'homme qui a été éclipsé par un chat. Il sera question d'Erwin Schrödinger. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.